Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous, bonjour à toutes. Pasolini a passé sa vie à créer et à composer, et toujours à partir de lui-même. Poésie, critique, théâtre, roman et cinéma, son œuvre pourrait être lue comme un seul geste autobiographique, une manière de sculpter avec passion et culpabilité dans la matière de son enfance, de son adolescence, de son corps et des corps qu'il a aimés. À la question « Quelle définition pouvez-vous donner de vous-même » il répondait « Une définition de moi-même ? » Oui. C'est comme demander la définition de l'infini. L'infini, ce qui ne se laisse pas circonscrire, ce qui n'a ni début ni fin et qui ne se définit que par la négative. « Ma vie est une terrasse dancing », ajoutait-il, où les danseurs, quand ils sortent pour aller aux toilettes, ne reviennent plus parce qu'ils se sont noyés dans une flaque noire d'ammoniac. « Scusatemi, fratelli, scusatemi tanto !» Pasolini, le fils de sa mère, le fils de son père, l'enfant pour toujours, qui écrit dans son journal en 1950 « Adulte, jamais. Jamais. Comme l'existence qui ne mûrit pas reste toujours verte de jour splendide en jour splendide. Je ne peux que rester fidèle à la merveilleuse monotonie du mystère. Voilà pourquoi, dans le bonheur, je ne me suis jamais abandonné. Voilà pourquoi, dans l'angoisse de mes fautes, je n'ai jamais atteint un remords véritable. Égal, toujours égal à l'inexprimé, à l'origine de ce que je suis. Ragazzi, al lavoro! Forza! Forza, su! Forza, forza, su, ragazzi! Andiamo, andiamo! Andiamo. Il est gentil, il va chercher le vin! Le vin! À la santé de tous. Et tous nos voeux, maître, pour vos prochains travaux. Qu'il est belle et qu'il est lisse, à la santé de celui qui le pisse. Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si beau de seulement la rêver? Bonjour René de Secati. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes écrivain, traducteur, éditeur, vous avez écrit sur Pasolini, vous avez traduit ses textes. Ça fait combien de temps que Pasolini vous accompagne ? Très longtemps. Très longtemps depuis Théorème, c'est-à-dire depuis Théorème, depuis le film Théorème, quand le film est sorti. C'est-à-dire depuis 1969. Peut-être même avant d'ailleurs, parce que j'avais vu l'Évangile selon saint Matthieu qui m'avait beaucoup frappé. J'étais adolescent évidemment. Et Théorème m'a tellement frappé que j'ai voulu lire le livre. J'ai vu le film, mais j'ai voulu lire le livre. Et le livre que Pasolini a écrit parallèlement, et j'ai écrit à Pasolini comme on fait d'innombrables adolescents, d'innombrables jeunes écrivains. Et Pasolini m'a répondu, et puis voilà, c'est toute une histoire à commencer. Et qu'est-ce qui vous attend plus dans Théorème ? Je crois que la métaphore sur la sexualité, la métaphore mystique de la sexualité, je trouvais que c'était, bien sûr, c'était 1968, c'était quelque chose de d'assez courant, enfin courant, si on peut dire, pas ce niveau de génie, mais disons qu'il y avait un discours sur la sexualité qui dépassait la simple question de la libération sexuelle, mais on voyait une autre forme d'interprétation du sexe. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, et bien sûr c'était aussi le mysticisme qui était lié au désir. C'était quelque chose qu'un adolescent, je pense, sent très profondément, très naturellement, s'il a un tempérament un peu intérieur, évidemment. Et donc, voilà. C'est, vous savez, c'est quand on découvre un écrivain ou un grand cinéaste, même si on est très jeune, je pense que c'est qu'il parle une langue qui nous est naturelle. Et c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu les films de Pasolini, quand vous j'ai lu ses livres. Vous étiez adolescent ? J'étais adolescent, oui, bien sûr. Et ça m'était naturel. C'est exactement comme quand un adolescent lit Rimbaud. Hein. D'ailleurs, l'image de Rimbaud est très très forte chez Pasolini. Donc c'était un peu ce lien-là. D'un écrivain qui vous parle de vous-même, d'un cinéaste qui trouve des images qui sont pas simplement des images pour raconter une histoire, mais qui a un autre usage du cinéma. C'est aussi ça que j'ai découvert à la fois dans l'Évangile selon saint Matthieu, et puis Théorème, et puis après les films qui ont suivi, puisque après bien sûr je les ai vus au fur et à mesure que les films étaient présentés en France ou en Italie. Ça veut dire que pour vous, Pasolini est d'abord cinéaste ? Non, Non, parce que justement, je me suis rendu compte en voyant Théorème qu'il y avait un livre en même temps. Et donc le fait, ça a été très important pour moi. Puis, bien sûr, je l'ai découvert comme cinéaste, comme beaucoup, bien sûr, hein, de la plupart en France, des... En France, on le découvrait comme cinéaste. On n'avait pas la mesure de l'immense poète qu'il était. D'ailleurs, les premières traductions n'étaient pas encore sorties de poèmes à la fin des années 60. Mais bien sûr qu'on se rendait compte, si on avait une certaine sensibilité, que c'était un poète. C'est exactement comme qu'on voit les films de Cocteau, on voit que c'est un poète. C'est un peu la même chose. Donc, non, c'était pas uniquement un cinéaste, c'était un cinéaste poète, disons. Quelqu'un qui avait autre chose à dire que uniquement par les images et qui utilisait les images comme un poète pouvait utiliser les mots. Je crois que c'est quelque chose, bien sûr, je dis ça maintenant avec le recul, parce que je connais tous les textes de Pasolini que lui-même l'a exprimé, tout ça. Il a même théorisé sur le langage cinématographique et le langage poétique, etc., sur l'usage des images comme des signes. Mais je pense que c'est ça, c'est la rencontre, je veux dire, la rencontre avec cette œuvre venait aussi de ce sentiment d'être en présence de quelqu'un qui n'était jamais satisfait au fond de la forme qu'il utilisait pour s'exprimer, qui avait toujours besoin de plus. Et il était d'une vitalité, il avait l'expression vitalité désespérée qui est merveilleusement juste pour parler de lui-même. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'une espèce de force de création extraordinaire que l'on trouve chez d'autres écrivains. On le trouve chez Marguerite Duras aussi. Hein. Il y a ça. D'ailleurs, ils sont proches par beaucoup d'aspects. Mais c'est cette catégorie de cinéastes, écrivains, sans être nécessairement des cinéastes cérébraux, parce que c'était pas un cinéaste cérébral. C'était quelqu'un qui utilisait le langage cinématographique comme une arme de poésie. Parmi les ouvrages que vous avez consacrés à Pasolini, vous avez proposé une biographie en folio, et cette biographie est d'autant plus importante que Pasolini lui-même revendiquait un rapport autobiographique à son propre travail. C'est-à-dire que c'est pas simplement annexe que de savoir comment Pasolini a vécu, quelles rencontres il a vraiment faites, et essayer ensuite de reconstituer le lien entre sa vie et son travail. Non, son travail, c'est son existence même et réciproquement. Bien sûr, il est complètement nourri de sa vie, de sa sensibilité, il le revendique. Son œuvre poétique est une œuvre totalement autobiographique, c'est-à-dire complètement liée aux événements qui se produisent. Alors bien sûr, ce ne sont pas des événements complètement intimes, uniquement intimes, parce qu'il est devenu extrêmement vite un personnage public. Il est devenu, même dans la fin de son adolescence, au début de son âge adulte, enfin oui, dans sa jeunesse, je pense que chez lui, il n'y avait pas du tout de scission entre le personnage public, celui qui intervenait politiquement ou de manière intellectuelle dans la vie sociale et dans la vie littéraire et dans la vie cinématographique. Il y avait quelque chose qui était absolument lié. Il le disait dans ses poèmes, c'est-à-dire qu'il exprimait une espèce de... On dit maintenant de volonté sacrificielle parce qu'il est mort, qu'il est mort assassiné, il a été martyrisé, on peut le dire. Donc on est un peu tenté aussi de lire de manière dramatique et tragique cette volonté de se s'offrir comme ça. Hein. Peut-être il faut pas aller jusque là, mais il n'empêche que les deux sont extrêmement liés. C'est son évolution personnel, intellectuel et lié à des événements intimes de sa vie, puisqu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il est le fils d'une institutrice catholique et d'un fasciste, d'un militaire fasciste. La présence de son père est quelque chose d'écrasant. Son père en plus battait sa mère, se disputait avec elle, donc il a énormément souffert de ce rapport de ses parents. Son frère, pendant la guerre, est assassiné. Donc il a un événement dramatique qui se produit. La mort de Guido a été... Assassiné par le Parti communiste. Lui-même communiste et assassiné par une autre faction communiste, c'est-à-dire deux factions de résistants, en fait, de partisans pendant la guerre. Ce qui explique l'ambivalence de Pasolini à l'égard du communisme. Bien sûr. Il y adhérera ensuite, mais toujours avec cette ambivalence. Il ne cessera de se compliquer, d'ailleurs, ce rapport, sans qu'il rompe jamais avec le Parti communiste. Et donc la mort de Guido va devenir... extraordinairement obsessionnel. Il va écrire des poèmes sur Guido. Au fond, les premiers poèmes qu'il écrit sont, pour très nombreux d'entre eux, inspirés par la mort de Guido. avec la figure du Christ qui se mêle à celle de son frère, qui se mêle à sa propre image lui-même personnelle. Il va, après la guerre, bon, il crée une école avec sa mère et ça lui permet de rencontrer des adolescents. Il va découvrir son homosexualité qui ne va pas être un phénomène secondaire, qui va être un phénomène très important dans sa vie. Parce qu'il le vit de manière douloureuse, il ne le vit pas de manière extrêmement épanouie. Et surtout, il va y avoir un scandale sexuel. Et alors, cet événement, puisqu'il est accusé de détournement de mineurs, alors qu'il est maître des écoles, et donc il va être expulsé du Frioul où il était avec sa mère, et il va arriver à Rome. C'est donc un événement privé qui va déterminer son évolution, qui va être très importante, parce que arrivant à Rome, il va découvrir un autre type de misère, il va découvrir les banlieues, il ne peut pas enseigner dans des écoles d'État, il est obligé d'enseigner dans des écoles privées, dans la banlieue romaine donc, et là il va découvrir tout un peuple abandonné. Mmh. Et ce peuple va l'intéresser énormément, pas uniquement pour des raisons personnelles ou sexuelles, pas du tout, mais aussi pour des raisons sociales, politiques et littéraires. C'est-à-dire que cette langue-là, de la banlieue romaine, il va lui trouver une valeur poétique unique qu'il va exprimer dans ses premiers romans. Donc vous voyez comment, au fond, c'est des déterminations, bien sûr, personnelles, intimes, familiales, il va les transformer immédiatement en sources de création poétique, romanesque, des sources de réflexion sur le langage, sur le rôle de l'intellectuel, etc. Alors dans la matière à partir de laquelle il compose, donc sa propre vie, il va essayer aussi de former. Alors il y a la production artistique, que ce soit les poèmes, puis le cinéma, les romans aussi, on en a un peu parlé hier, mais il y a aussi des textes qui sont plus intimes, des journaux dans lesquels il couche beaucoup de choses sur le papier et dans lesquels il se révèle différemment que sous forme d'une œuvre d'art. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de textes qui ont paru après sa mort, qu'il n'avait pas publié de son vivant, qui sont que j'ai traduit, donc qui s'appellent Actes impurs et Amado mio, où il parle de son rapport avec les adolescents dans le Frioul, donc avec ses propres élèves et tout un monde poétique, paysan, qu'il survalorise parce qu'il a l'impression d'avoir dans ce peuple pas simplement un objet d'attrait sexuel, même si ce n'est pas secondaire, mais aussi tout un peuple qui n'avait pas sa place dans la littérature. Mmh. Et donc, ces textes, qui ont été également appelés les cahiers rouges, parce que c'est vraiment tout un énorme corpus que son cousin, après sa mort, Nicola Dini, a réorganisé pour essayer d'en faire des livres, sont extrêmement importants, parce que ce sont des journaux réinventés. Hein. Il ne faut pas imaginer que ce soit des journaux un peu bruts comme ça. Déjà, il y a une forme romanesque, il change des noms, il y a une narration qui est quand même extrêmement maîtrisée, où l'on sent qu'il pense à une publication possible. Hein, donc c'est pas un texte intime brut, disons. Et ses premiers poèmes, les premiers poèmes qu'il écrit, ont souvent comme titre journaux, tout simplement diari. Journaux intimes. Donc, bien sûr, cette voix intime et autobiographique, il la valorise beaucoup, mais il lui donne une forme un peu inhabituelle. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient d'être un poète qui a quelque chose à dire d'unique. Donc, il ne va pas simplement raconter des moments de solitude ou de frustration ou de désolation. Vous arrivez à identifier cette chose unique qu'il essayait de dire ? C'est très difficile parce que, c'est à la fois évident et difficile, comme tous les grands poètes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a une perception du monde qui est sacrée. Au fond, on peut dire ça. Sacrée, mais athée. Sacrée, mais athée. Et il revient très très souvent là-dessus. Il le dit d'ailleurs, je suis laïque, mais je suis quand même chrétien. Un chrétien laïque, c'est difficile à comprendre. Mmh. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il a une défiance à l'égard de l'Église. Certainement de l'Église temporelle, disons. Il est même violent, comme avant lui, Dante était très violent contre l'Église des papes. C'est la même chose, c'est le même tempérament. D'ailleurs, il est un grand lecteur de Dante. Oui, on a vu en parlant de Salo, les 120 jours de Sodome lundi dernier, la référence à Dante qui était très présente. Oui, c'est les cercles de l'enfer, oui. Le cercle du sang, etc. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il a cette perception d'un monde... d'un monde où le sacré, où la divinité est présente. Alors elle peut être présente dans la sexualité, elle peut être présente dans l'émotion esthétique devant un paysage, elle peut être présente aussi dans le regard sur l'humanité. C'est-à-dire qu'il avait une très profonde générosité et il était très attentif à la générosité. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes de Pasolini où il met vraiment côte à côte des textes marxistes et des textes chrétiens, enfin bien sûr de l'Évangile, ce christianisme-là qui est extrêmement proche pour lui. C'est pour ça que, alors qu'il est perçu comme un communiste un peu atypique, mais quand même un communiste, il fait l'Évangile selon saint Matthieu qui sera diffusé et projeté, je veux dire, dans les salles paroissiales, ce qu'il voulait. Il voulait que son film soit en même temps projeté. Je rappelais récemment que quand le film a été présenté en France, il a été projeté à la salle de la Mutualité, mais en même temps, il y a eu un débat à l'intérieur de Notre-Dame. C'est pour dire que pour lui, ce n'était absolument pas contradictoire. Rien n'est contradictoire pour lui, si ce n'est peut-être la façon qu'il a de parler de lui-même. On l'a entendu en début d'émission, il dit « mais si vous me demandez de me présenter... » Je dirais que c'est aussi impossible que de définir l'infini. On va écouter la suite de cette archive tout de suite parce qu'elle nous livre des renseignements pour essayer de comprendre à la fois le geste artistique qui est celui de Pasolini et peut-être ce mystère dont vous parlez, cette chose sacrée. Pour reprendre le texte qui a ouvert l'émission, hein, adulte jamais, il le dit bien, il dit « Je ne peux que rester fidèle à la merveilleuse monotonie du mystère ». Ce qui est peut-être la bonne façon de décrire son œuvre. Écoutez Pasolini et vous nous direz ensuite ce qu'il en est, René Tsekati. Quand je pense à moi-même, je pense à quelque chose d'infini. Je suis le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de me définir. Alors je pourrais rappeler une phrase qui dit Elsa Morante de moi. Elle dit que je suis une narcisse, on dit narcisse, qu'il a un amour erré pour soi-même. Mais j'ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour le monde. Je pourrais dire peut-être que je suis... un véritable diable. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Pier Paolo Pasolini au micro de Jean-André Fieschi en 1966, qui se définit comme le diable, faute peut-être de mots pour se définir de manière adéquate au fond, hein, René Tsekati, c'est ça, c'est pas simplement de la provocation. Il y a certainement de la provocation parce qu'il aimait, il le disait, le droit de scandaliser fait partie du... Le scandale plus que la provocation d'ailleurs. Exactement, ouais. Oui, c'est le droit de scandaliser. Mais aussi, je pense qu'il commente le mot d'Elsa Morante sur lui-même en disant que il y a un narcisse qui était heureux de lui-même, je n'en suis pas sûr, moi, de ça. Mais enfin, bon, c'était aussi une manière de la part d'Elsa Morante de provoquer Pasolini parce qu'elle-même n'était pas mal en matière de provocation. Donc, ils étaient très proches. Ils étaient extrêmement proches. Ils étaient très amis et en même temps, ils sont devenus ennemis, ce qui est très triste, parce que Pasolini n'a pas du tout aimé la Storia quand le grand livre de Elsa Morante est sorti en 74, donc un an avant la mort de Pasolini. Il a été très très violent contre elle. Il a eu l'impression qu'elle ne comprenait pas le monde de la pauvreté comme si c'était le sien, à lui, Pasolini, comme s'il était dépossédé. Ce qui était très injuste à l'égard de Elsa Morante, mais bon, ça fait partie des amitiés ambiguës qu'il y a entre écrivains qui par ailleurs s'admirent beaucoup. Mmh. Je pense que, mais pour en revenir au narcissisme et au malheur que lui inspirait le monde, ça c'est certain que Pasolini avait été très malheureux, puis il a fini par être totalement désespéré par l'évolution du monde. Un désespoir qui n'allait pas jusqu'au mutisme, hein, qui n'allait pas jusqu'à l'empêcher de s'exprimer. C'est là, bien sûr, l'ambiguïté de tous les grands créateurs. Mais bon, il a terminé sur des textes très violents, un roman terriblement violent qui est Pétrole, et puis bon, Salaud dont vous avez parlé. On écoutera Pétrole à la fin aussi, on va remonter le fil de sa création. Justement, à propos de l'origine de cette création, il le dit lui-même, il fait un lien direct avec sa propre mère. Il dit « J'ai ressenti l'amour pour ma mère très très profondément et tout mon travail en a été influencé, une influence dont l'origine est au fond de moi. » Et ce n'est pas simplement symbolique, René Tsekati, puisque sa mère joue un rôle très important pour lui. Il va même jusqu'à expliquer son homosexualité en fonction du lien très proche qu'il entretient avec sa propre mère, qui va même jouer dans ses films. C'est plus qu'une source d'inspiration, là, c'est structurant pour sa création. Oui, Susanna Colucci, donc sa mère, a joué un rôle très très important. On a retrouvé après sa mort, après la mort de Pasolini, mais aussi après la mort de Susanna Colucci, des textes très importants, des cahiers où elle écrivait pour son fils des poèmes. Elle écrivait surtout l'histoire de sa famille, qui a nourri d'ailleurs un des recueils de Pasolini, qui est La Nuova Gioventù. Et la meglio gioventù, pardon, la première version, qui est la meilleure jeunesse, et qui vient, la plupart des poèmes viennent de poèmes et de textes qui ont été écrits par sa mère. Oui, il disait à propos de son homosexualité qu'il ne pouvait pas coucher avec une femme parce qu'il avait l'impression de coucher avec sa mère, ce qui est bon, un peu une espèce de cliché de la psychanalyse, bien entendu, pour quand on décide d'expliquer l'homosexualité masculine, mais il l'assumait complètement. Et je pense que c'était tout à fait sincère chez lui. Alors, Susanna Colucci, il a vécu toute sa vie avec elle, hein, il a tout le temps été avec elle, et il lui a fait jouer des rôles importants dans ses films, puisqu'elle joue, comme vous l'avez dit, la Vierge, mais elle apparaît également dans Théorème. C'est comme une figure très importante aussi pour ses amis. Enfin, tous les amis de Pasolini la connaissaient, bien sûr, connaissaient tous la mère de Pasolini, et elle organisait des dîners. Vous savez combien à Rome le dîner est une chose importante, quelle que soit la classe sociale. C'est le moment où tous les amis peuvent se rencontrer, et c'est souvent la mère de Pasolini qui faisait la cuisine. Alors écoutez un poème qu'il lui dédie, ou en tout cas dans lequel il décrit le rapport entre un fils et sa mère. C'est dans Poésie en forme de rose. Mamma, mamma sa morì, è tutta notte che sto qua. Non me la faccio più. Mamma, perché mi stanno a fare così? Mamma Roma, aspetta! Il est difficile de dire dans le langage d'un fils à sa mère ce qui, en mon fort intérieur, ne me ressemble guère. Tu es la seule au monde à savoir ce qu'il en a toujours été de mon cœur avant tout autre amour. C'est pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de connaître. C'est dans ta grâce que je vois mon angoisse naître. Tu es irremplaçable. C'est pourquoi est condamnée à la solitude la vie que tu m'as donnée. Et je ne veux pas être seul. J'ai une faim démesurée d'amour de corps sans âme demeurée. Car l'âme est en toi, c'est toi. Tu es simplement ma mère, et ton amour est mon asservissement. J'ai passé asservi à cette sensation toute mon enfance. Sensation élevée, irrémédiable, d'un engagement immense. C'était le seul moyen de ressentir la vie, sa nuance absolue, sa forme absolue. Voilà, elle est finie. Nous survivons, et c'est la confusion d'une vie renée hors de la raison. Je te supplie, ah, je te supplie, de ne pas vouloir mourir. Je suis ici, seul, avec toi, en un avril à venir. C'est vous qui l'avez traduit, ce poème, René Bisiquetti. Oui, moi. On y entend l'ambivalence de l'amour à la mère, parce qu'il parle quand même de prison, de condamnation. L'amour que sa mère lui porte a condamné sa vie à une solitude. Oui, je pense qu'il était lucide. La solitude n'était pas totale. La solitude la plus violente, c'était pas la solitude sexuelle. Je pense que c'était une solitude aussi politique dont il est mort. Mais c'est étrange, parce que ce poème qui est probablement le plus connu des poèmes de Pasolini, beaucoup d'Italiens le connaissent par cœur. Et par ce poème, au fond, il a acquis en Italie un statut majeur dans la poésie italienne. Mais c'est une sorte de... C'est plus qu'une prière, c'est un... Supplique à ma mère. Une supplique, oui, qui a été entendue puisque sa mère lui a survécu. Mais elle a été dans une sorte de demi-folie quand elle a appris ce cauchemar redoublé qui était la mort de son deuxième enfant, parce qu'elle avait déjà vécu un premier cauchemar qui était l'assassinat de Guido. Et voilà, ça recommence avec Pier Paolo Pasolini. Ça a été très très bien représenté au cinéma, parce qu'il y a eu un très bon film qui n'a pas été beaucoup apprécié, mais que moi j'apprécie beaucoup, qui est le film La Belle Ferrara sur Pasolini. Et on voit la mort de, bien sûr, la mort de Pasolini et la réaction de la mère qui est interprétée par Adriana Asti, qui était une grande amie de Pasolini. Et c'est un moment tout à fait bouleversant où elle est dans une espèce de folie, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'entend même pas. Et je pense que quand il y a des événements qui sont d'une telle gravité, on n'arrive même pas à les entendre. Donc bien sûr, la mère de Pasolini, c'était... C'est quelque chose aussi unique que la mère de Baudelaire. Baudelaire a eu ou de Romain Gary. On pense à tous ces écrivains. Bien sûr, il y a beaucoup d'écrivains ou la mère de Proust. Mm. Il y a beaucoup d'écrivains pour qui la mère a été absolument fondamentale. Alors, parfois, ce n'est pas aussi clairement dit que ça l'est dit par Pasolini. Ils n'écrivent pas tous des suppliques à leur mère, ça c'est vrai. Voilà. Et pas toujours dans ce mélange d'amour et de reproches. C'est ça, on entend vraiment les deux dans ce texte. On entend les deux. Mais est-ce pour cela qu'il ne veut pas grandir? Pour revenir au texte qui a ouvert l'émission, adulte jamais. Adulte jamais, ça veut dire rester enfant? Oui. Ou rester adolescent? Parce que c'est pas pareil. Oui, ce n'est pas la même chose, vous avez raison. Mais enfin, bon, l'adolescence se nourrit aussi de l'enfance. Il y a moins de sexualité dans l'enfance. Non, bien sûr. Bien que lui raconte sa première expérience charnelle en regardant les tendons à l'arrière du genou d'un jeune garçon, il dit « j'ai 3 ou 4 ans et je ressens là mon premier émoi ». Il lui a même donné un nom qui est « tetaveleta », un mot qui ne veut rien dire hein, en italien, enfin une expression qui ne veut rien dire. Oui, il en a parlé plusieurs fois, il a ce souvenir très très précis d'une sexualisation d'un trouble, au fond c'est ça. Et donc je ne pense pas qu'il ait voulu être maintenu dans l'adolescence, parce qu'il était malheureux quand même dans son adolescence. Mais il n'a pas voulu, en tous les cas, être dans un monde adulte qui est le monde qu'il a connu en arrivant à Rome, c'est-à-dire un monde très dur, un monde où, ne l'oublions pas, il a fait tant de scandales, où il y a eu tant de procès qui ont été... Il ne pouvait pas prendre la parole sans qu'il y ait un procès, il ne pouvait pas tourner un film sans qu'il y ait c'est un ça. Procès. Il y avait des réactions d'une extraordinaire violence. C'est-à-dire que est-ce que les procès ont eu lieu? Est-ce qu'il était jamais jugé? Bien sûr, il était jugé. Il a été souvent acquitté, grâce à Dieu. Mais il y a eu des procès, mais d'une absurdité totale, hein, puisque pour prendre celui dont il parle assez longuement dans Poésie en forme de rose, le procès de la Ricotta, par exemple, qui est un film qu'il a tourné en 62, qui est sorti en 63, où il représente dans un moyen métrage le tournage d'une vie du Christ en faisant une sorte de tableau vivant, en représentant le Christ de Pontormo. Mais il prend comme personnage principal un figurant, et le figurant va mourir effectivement sur la croix. Alors le film a une tonalité comique, et on en a voulu à Pasolini, enfin bon, des imbéciles bien sûr, mais on en a voulu à Pasolini en pensant que c'était un blasphème, parce qu'on voyait mourir en croix quelqu'un qui mourait d'une indigestion de ricotta. Mais d'abord, c'est ne pas comprendre le tragique peut être lié au comique de toute façon. Et il a eu un procès d'une très grande violence. Il a eu d'autres procès, mais absurdes, dont quelqu'un qui tenait une station-service l'a accusé d'avoir utilisé un pistolet à balles dorées, un balles en or, pour essayer de faire un hold-up. Enfin, des choses complètement aberrantes qui faisaient qu'il surgissait dans un monde de haine, où il suscitait la haine. Alors, il y a eu un moment où il en a joué, bien entendu. Mais d'autres moments étaient terriblement douloureux. Il se rappelle, il raconte une fois à Moravia qu'il était entré dans une salle de cinéma. Il y avait un film dont il avait écrit le scénario. Et quand le nom de Pasolini est apparu au générique, des gens ont hurlé de haine. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui une sorte de malédiction. quand entretenu, puisqu'il se présente lui-même comme le diable, comme on l'a entendu. Entretenu, mais quand même qui le surprenait. C'est-à-dire que quand La Cat si divite, son premier roman sort, le roman est condamné pour obscénité, vous voyez, parce qu'il y a des scènes sexuelles entre adolescents. Il y a un moment où on ne peut plus rien écrire. Voilà. Et en plus, le roman non seulement avait été attaqué pour obscénité, mais en plus avait été désavoué par le Parti communiste italien, parce que le Parti communiste italien reprochait à Pasolini d'accentuer trop le côté pègre du sous-prolétariat, au lieu d'installer le sous-prolétariat dans une lutte des classes qui seule pourrait expliquer le malheur ou la volonté de sortir du malheur. Bon, c'est une espèce de grille politique rigide que bien sûr Pasolini ne pouvait pas accepter, parce que c'est comme quand on reproche aux féministes, quand les communistes reprochaient aux féministes de parler du combat des femmes parce que c'était secondaire par rapport au combat social. C'est le même type de reproche qui lui était fait. Mais bon, il n'a pas été assez désarmé, désarçonné pour rompre avec le Parti communiste pour autant. Et puis un jour, il rencontre Ninetto. Dans votre vie nouvelle, où apparaît devant mes yeux un Ninetto jamais vu, décidé à n'avoir pas de pitié, à faire tout ce que veut une impatience, à faire le mal que je ne comprends pas. Certes, vous me sentez coupable de limiter votre vie, que maintenant de surcroît j'attriste par mes obsessions, et que vous avez fini par détester celui qui a prétendu à votre amour. Mais, mêlé à cette haine, il y en a une autre. Car vous aussi, vous vous sentez coupable envers moi, sachant que vous me donnez tant de douleur, fût-elle incompréhensible. On déteste celui qui est la cause du remords. Ainsi, la joie gâchée par ma faute et la vôtre se venge-t-elle et vous construit-elle un nouveau cœur ? Ce sonnet de l'amour adressé à Ninetto a été traduit par vos soins, René de Sacchetti également. Difficile de ne pas penser au sonnet que Shakespeare écrit à sa muse, jeune homme aussi, mais ce Ninetto ici, on en sait un peu plus que l'amant de Shakespeare, puisque non seulement il a vraiment existé, mais il a même parlé, on va entendre sa voix même tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous le présenter, ce Ninetto ? Ninetto d'Avoli accompagnait des amis sur le tournage justement de La Licotta, dont je parlais tout à l'heure. C'était donc en fin 62, il n'avait même pas 14 ans. Et Pasolini, enfin il allait avoir 14 ans, Pasolini le découvre, ils vont devenir très amis, plus qu'amis, amants. Donc il est très jeune hein, quand ils se rencontrent. Et puis cet amour, jamais totalement avoué, jamais totalement reconnu, enfin même les proches de Pasolini continuent à dire non, c'était un ami, simplement un ami, enfin non. Il suffit de lire ces sonnets, c'était beaucoup plus qu'un ami, c'était un très grand amour. Mais ce garçon, bon, il va devenir non seulement son acteur, son compagnon, mais en plus une source de réflexion, parce que par exemple, il y a un très beau texte de Pasolini qui est en partie traduit en français, qui s'appelle en italien « Empirisme eretico »,« Empirisme hérétique », qui est paru en français sous le titre « L'expérience hérétique », où il parle du langage cinématographique. Et donc, il parle avec un langage très sémiologique, avec les termes de Christian Metz, de tous les sémiologues de Jacobson, de tous les sémiologues de l'époque. Et il parle de Ninetto. Et Ninetto devient, de manière très curieuse, une espèce de symbole du langage cinématographique même. Alors il prend tous ces exemples autour du visage de Ninetto, c'est assez amusant et c'est très émouvant en même temps. Donc c'est une muse en effet, Ninetto, c'est quelqu'un qui va être fondamental dans sa conception du cinéma, etc. Et puis bon, à 23 ans, il va rencontrer une fille et... Ninetto va rencontrer une fille, bien sûr, et il va se marier. Alors c'est le drame donc qui a fait naître ces poèmes. Ces poèmes qui ont été écrits pendant que Pasolini tournait en Angleterre les Contes de Canterbury, où joue Ninetto d'ailleurs, et... Donc la référence à Shakespeare est explicite. Ah oui, tout à fait justifiée, oui, bien sûr, oui, c'est le modèle. C'est le modèle où on peut penser aussi au poème de Michel-Ange à Thomas de Cavalier. Donc c'est assez proche. Mais en même temps, ces poèmes qui sont la traduction d'une crise et qui ne seront pas publiés de son vivant, ils sont publiés après sa mort. Ces poèmes, finalement, il va s'en accommoder de cette crise et il va très bien accepter finalement le mariage de Ninetto. Et d'ailleurs, Ninetto va appeler ses enfants Pier Paolo et Guido. Il avait une femme compréhensive, oui. Oui, mais pourtant, il est très violent. Enfin, il faut dire qu'elle n'a pas lu les poèmes. Mais certains poèmes sont extrêmement violents sur elle. Bon, on va écouter un autre poème de Pasolini, le sonnet 81. On avait entendu le 76 avant. Le droit d'aimer, c'est ce que revendique Pasolini. Et il s'adresse encore une fois, évidemment, directement à Ninetto, qui lui est donc sur le point de se marier à 23 ans avec une fille. On dirait que c'était il y a un siècle, et ce n'était qu'en mai. Tu as entendu alors les mots qui ont donné de la cruauté à ta décision, et tu as eu le courage de te présenter à moi comme devenu un autre, désormais destiné à un autre voyage. Ces mots qui sont ton droit, c'est Elsa Morante qui les a prononcés. Et toi, qui es ainsi plus sage que nous deux, tu t'en es emparé une fois pour toujours. C'était la vérité, mais celle qui tue celui qui l'apprend, car il en est exclu. Tout le monde le sait bien, à 23 ans, un garçon a le droit d'aimer une fille. Mais c'est cela qui angoisse celui qui n'a jamais donné son sperme à une fille. Quand nous sommes partis pour Stockholm, et Pier Paolo si comprava un vestito. Pendant notre voyage à Stockholm, Pier Paolo s'est acheté un costume type Borsalino. Un costume de gangster, un costume croisé. Passava davanti le vetrine e camminava come un fanatico, no, proprio come un boss. Il passait devant les vitrines en faisant le malin, le boss. Et ça nous faisait beaucoup rire. Lo divertiva molto. Il lui plaisait beaucoup ce costume. Il l'amusait beaucoup. Quando è morto, io poi quando è stato il momento di quand il est mort, quand ça a été le moment de l'habiller, je lui ai fait mettre ce costume. Ce costume rayé. Je lui ai aussi fait mettre son maillot de foot, le numéro 7, celui qu'il portait quand on jouait au foot ensemble. Et le corps, je n'ai laissé personne le voir. Je ne l'ai pas laissé voir. J'ai fait fermer le cercueil et n'ai laissé aucune figure politique, intellectuelle. Personne ne l'a vu dans les conditions où je l'ai vu, moi, quand je suis allé faire la reconnaissance du corps. Pour bien comprendre la puissance de ce que dit ici Ninetto, il faut se remémorer les conditions de la mort de Pasolini quand il dit qu'il n'a jamais laissé quelqu'un voir ce corps mort tel que lui l'avait vu. C'est aussi une manière de préserver un corps qui était récupéré de par l'assassinat dont il était victime, récupéré par tout le monde, ou au contraire rejeté d'ailleurs. En tout cas, instrumentalisé. Oui, bien sûr. Et puis, bon, les conditions de sa mort continuent à être extrêmement obscures, même si maintenant, on commence à avoir beaucoup plus d'éléments sur cette mort. Enfin bon, tel que c'est apparu sur le moment, en tous les cas, c'est qu'il a été assassiné par un gigolo qu'il avait rencontré dans la rue, qu'il avait ramassé dans la rue. Après, on s'est rendu compte que non, c'était pas lui qui l'avait assassiné, que c'était un appât, qu'il connaissait ce gigolo, qui s'appelait Pino Pelosi. Et que probablement il a été assassiné par un groupe, en tous les cas d'inconnus, dont on ne sait pas qui c'est exactement. On a quelques noms. Pino Pelosi, avant de mourir, maintenant il est mort, Pino Pelosi. Mais avant de mourir, il a fini par donner des noms, des noms d'hommes qui étaient morts. C'était des voyous qui étaient morts. Mais il n'a jamais dit qui avait commandité ce crime. Mais en tous les cas, pour dire l'état dans lequel il était, étant donné qu'il avait été battu à mort avec un bout de bâton et écrasé par sa propre voiture, donc ou par une autre voiture semblable, en tous les cas, il était écrasé par une voiture. Et bien sûr, c'était un corps massacré. Alors, Quand il y a un texte extraordinaire de Sartre sur le procès qui a suivi le procès bidon de Pelosi, parce que tout était mensonge, la police n'est pas allée jusqu'au bout de l'enquête, etc. Et très justement, Sartre avait, c'est un article du Corriere della Sera, avait dit c'est devenu le procès de Pasolini, le procès du meurtrier de Pasolini est devenu le procès de Pasolini. Et il avait parfaitement raison, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, des voix comme ça se sont senties autorisées à faire la, en disant il l'a bien cherché, sa mort il l'a bien cherché. Et bien sûr, c'est pour expliquer dans quel climat, en 75, c'était terrible, c'était les années noires de l'Italie, le début des années noires de l'Italie, des années de plomb. Et donc, il y avait une hostilité terrible à l'égard de Pasolini, ce qui fait que le procès ne pouvait pas se faire dans des conditions décentes et juste. Donc, bien sûr, il a été récupéré. Il a été récupéré par beaucoup. Maintenant, il est devenu un symbole de poète martyr. Voilà. Et c'est compliqué toujours quand quelqu'un a une mort d'une telle violence, d'une telle force symbolique, après d'avoir un regard juste sur son œuvre, parce qu'on est toujours tenté de réinterpréter toute son œuvre comme si toute son œuvre aboutissait à cette ordalie. Et je pense qu'il faut être vigilant, ne pas aller jusque-là. Mais en même temps, on peut voir qu'il y a une sorte de logique de la vie et qui fait qu'il ne s'était pas beaucoup protégé, qu'il avait pris beaucoup de risques, qu'il s'était exprimé d'une manière très libre à un moment où la presse n'était pas libre. L'Italie n'était pas en dictature, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas écrire. Et lui avait écrit des choses qu'on ne pouvait pas écrire, notamment sur la démocratie chrétienne, qui était vraiment son grand ennemi jusqu'à la mort. Oui, on parlera de cette dimension politique demain. En tout cas, le mystère lié à sa mort est quand même assez fidèle au mystère que lui-même a voulu soit entretenir, soit au contraire percer tout au long de son existence. C'est ça qui est, c'est vraiment le mystère est quelque chose qui l'occupe depuis sa naissance. Et jusqu'à sa mort aujourd'hui, c'est quand même assez dingue que sa mort reste encore mystérieuse. Oui, en plus les pièces à conviction ont disparu. Enfin bon, c'est une négligence qui n'a cessé de se reconduire, si on peut dire. Mais enfin bon, le mystère, c'est bien sûr il y a le mystère sacré. C'est une œuvre qui n'est pas complètement rationnelle, l'œuvre de Pasolini. Voilà, si on l'oppose justement à celle de son grand ami Moravia, Moravia était un rationaliste. Pasolini, non. Même si c'était un intellectuel qui lisait beaucoup, beaucoup de philosophie, mais ce n'était pas, il ne pensait pas que la clé du monde et de lui-même pourrait se trouver sous une autre forme que poétique. Oui. À partir du moment où vous dites, la clé que je cherche, ce n'est qu'un poème qui peut me la donner, ou ce n'est qu'une œuvre d'art qui peut me la donner. Évidemment, on n'est plus dans l'ordre de la rationalité. D'ailleurs, il dit, en parlant de lui à la troisième personne, Pasolini aime la réalité, mais pas la vérité. Oui. Cette opposition des deux a quelque chose de très très fort. Oui, bien sûr, parce que cette réalité dont il parlait, qui était la matière même de son cinéma, il disait d'ailleurs qu'il avait choisi le cinéma parce que justement le cinéma utilisait la réalité comme langage pour représenter la réalité, donc n'avait pas de médium, si on peut dire, qu'il aurait trahi d'une certaine manière. Cette réalité, oui, en effet, il fallait qu'elle demeure mystérieuse, ambiguë. Il ne fallait pas qu'il y ait une traduction qui la trahirait. Une traduction qui insisterait simplement sur une seule forme. C'est ce qui lui donne sa force, ce qui fait qu'on lit encore Pasolini et que on voit encore ses films avec émerveillement. Il y a un film important qui est Médée de Pasolini. Pourquoi ? Il est important pas uniquement pour la rencontre avec Maria Callas, quoi que ce soit très important dans la vie de Pasolini, mais c'est aussi parce que Maria Callas incarne une magicienne qui perd son pouvoir de magie. Et ça fascinait complètement Pasolini. L'idée d'un personnage qui, par amour, est en train de perdre son pouvoir de magie. Ça lui faisait peur. Ouais. Il avait peur lui-même d'être dans ce cas. Donc c'est la Callas elle-même qui était amoureuse de Pasolini. Ah, ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans le scénario, mais qui s'est en effet produit. Il nous reste quelques minutes, René de Secchi, pour entendre quelques lignes de Pétrole. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de ce texte avant qu'on en entende un extrait ? Pétrole est donc un texte qui a été retrouvé après la mort de Pasolini, auquel il travaillait depuis plusieurs années, depuis à peu près 3-4 ans, et qui est un texte absolument fabuleux, malheureusement inachevé, mais dont l'inachèvement et la fragmentation fait partie du programme lui-même, où il décrivait beaucoup de choses. Il décrivait la sexualité, il décrivait la montée d'un néofascisme, disons, qui était le berlusconisme, qu'il voyait très bien se profiler. Il parle, et ça s'appelle Pétrole, parce qu'il y a un scandale au milieu du livre, qui est l'assassinat de Mattei, qui était le président de l'ENI, l'équivalent de Alpha Aquitaine en Italie. Et cet accident, qui en fait était un meurtre. Et donc, c'est au centre du livre. C'est un livre très vaste, il est très difficile d'en parler en quelques mots, et qui s'appuie en grande partie sur les possédés de Dostoïevski. Une espèce de réécriture des possédés de Dostoïevski. Carlo s'avança de quelques pas dans le terrain vague, sans regarder derrière lui qui avait décidé de venir le premier. De là tout autour, on ne voyait que 3 ou 4 choses. L'étendue irrégulière et immense du terrain vague, avec au fond ces barrières de maisons aux lumières tremblantes. Le ciel, avec quelques nuages à peine esquissés dans son indigo profond. La lune au milieu de ce ciel qui de rouge devenait d'une lumière fraîche et très pure, avec à côté, tout aussi lumineuse, la fidèle petite étoile du berger. Tout ce décor où il n'y avait pas de nuance, sinon peut-être au bord du lambeau phosphorescent de ciel éclairé par la lune, était rempli par une odeur unique, profonde, celle du fenouil sauvage. Tout le cosmos était là, dans ce terrain vague, dans le ciel, dans ces horizons urbains à peine visibles, et dans cette enivrante odeur d'herbe estivale. Là, lecteur, ce poème. Je te prierai de te laisser transporter sans opposer trop de résistance. Commence déjà par ne pas sourire de l'allusion au cosmos. Faite avec un sérieux, peut-être déplacé, mais si tu voudras bien l'admettre, il n'est pas excessif. Le fait est que je désire ni sourire ni plaisanter de mon sujet. En outre, je me rends compte que mes annotations paysagistes sont appliquées comme des formes d'une scénographie, au lieu de celle de la réalité. Mais c'est le mouvement même de mon écriture qui le réclame. Et voilà le type d'écriture qu'on trouve dans Pétrole, précisément René de Secati, avec cette rupture en plein milieu d'une phrase où Pasolini se met à décrire sa propre écriture en s'adressant directement au lecteur. Un lecteur lui-même, en plus le personnage Carlo est un personnage divisé, un personnage schizophrène. Donc c'est un livre complètement éclaté qui a une liberté extraordinaire. Pétrole, moi je le compare à Satyricon de Pétrone. Parce que c'est un peu le même type de récit qui est à la fois intellectuel, à la fois un texte d'aventure, mais en même temps réflexif, et à la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. En fait, il y a même des références théologiques qui sont les mêmes dans les deux livres. Pasolini avait-il lu Flaubert ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, il connaissait très très bien la littérature française. Et puis les références sont vraiment les mêmes. Donc il y avait une connaissance commune, ça c'est évident. Donc il y a quelque chose dans Pétrole qui est tout à fait unique. Le chapitre dont on vient de dire le début, en fait, est le chapitre le plus connu de Pétrole, parce que c'est un chapitre sexuel où il fait l'amour avec une vingtaine de garçons. Texte qui a souvent été présenté au théâtre, lu au théâtre. Pasolini savait très bien, en écrivant ce texte, l'effet qu'il allait produire. Nous aussi, en lisant un autre passage précisément et en épargnant aux auditeurs cette description qu'ils iront lire eux-mêmes dans ce texte Pétrole qui est désormais disponible, n'est-ce pas ? Que vous avez également traduit, qui est disponible chez Gallimard. Encore un dernier mot sur peut-être la postérité de Pasolini. Aujourd'hui, son nom est encore associé au scandale. En France, il est associé, disons, à Salo, à ce film qui reste très difficile à regarder, alors qu'en Italie, c'est le poète qui est très connu plus que le cinéaste. Que faudrait-il pour qu'en France, le Pasolini écrivain, poète, puisse être davantage connu ? Il y a quand même les écrits corsaires, les lettres luthériennes qui sont lues. Ça, je dois dire, c'est. Oui, dont on parlera demain. Oui, ce sont des livres importants que les nouvelles générations connaissent. Moi, vous savez, j'ai vu depuis les années 80 où j'ai commencé à traduire qu'il y avait une résistance à l'égard de Pasolini, qui était perçu comme un peu comme un poète italien de la Beat Generation. Vous voyez, où les années 70 paraissaient un peu dépassées, etc. Et maintenant, on est en train de redécouvrir quelque chose. Il y a que, au fond, non seulement c'est un visionnaire extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a un intérêt politique qui maintenant est partagé en France, en Italie, dans le reste du monde, pour Pasolini. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit politique, que... dites-vous. Oui, politique, parce que de toute façon, c'est plus simple à comprendre que la poésie. Donc, le langage poétique de Pasolini est probablement celui qui parle le plus. Il est dérangeant. Il n'est pas du tout consensuel. Hein, mais... il éveille énormément de curiosité. Comme Sade à son époque. Comme Sade, oui. On va se quitter avec une chanson, la bande originale d'Uccellani et Uccellini, dans laquelle il jouait avec son amour. Avec Nieto Davoli. Voici une dernière phrase de Pasolini et puis la chanson du film. Merci beaucoup René Zaccatti d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup. Je suis plus vieux et alors j'ai moins de futur à vivre. Je n'ai pas les problèmes du futur et alors j'aime le présent, c'est-à-dire j'aime plus la vie. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Menuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischiò la sua posizione. Alfredo Bini dirigendo rischiò la reputazione. Pierpaolo Pasolini. De vous, René de Secati, on peut lire la biographie de Pasolini disponible en folio biographie, un ouvrage qui s'appelle Sur Pierpaolo Pasolini aux éditions du Rocher. Et puis, comme vous êtes aussi écrivain, on peut lire de vous votre dernier roman, Mes années japonaises, aux éditions Mercure de France, où il est également question de Pasolini. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous revenez aujourd'hui sur l'affaire Copycomic. Copycomic, c'est le nom d'une chaîne YouTube lancée en 2017 dont les vidéos postées consistent à comparer les sketchs de différents humoristes. Le but, relever les similitudes d'un humoriste à l'autre, autrement dit, dénoncer les plagiats de sketchs. Panique sur la planète rire, déception des fans, révolte des concernés et dénonciation du procédé, cette affaire pose la question de l'original et de l'auteur dans le domaine de l'humour. Car depuis 2 ans, plusieurs comiques français ont été épinglés, dont celui dont on a plus parlé, Gad Elmaleh, extrait de ses reprises d'un sketch de Titoff. Souvent je me réveille dans la nuit comme ça, c'est en pleine nuit, vers les 2-3 heures du matin, on dirait que la télé et le monde sont toutes seules, vous savez, histoire naturelle. Moi, je suis là, en pleine nuit, je me réveille, qu'est-ce que c'est, ça? Tu sais ce que je regarde la nuit, moi? Comme la plupart de tout le monde. Chasser... Vous aussi? C'est pas un phénomène incroyable, ce truc, chasse et pêche? Histoire naturelle, chasse et pêche, tradition. Il passe à un gros plan, en général, il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive, c'est souvent un chasseur, il est bien fini en gros plan. À un moment donné, il y a un gros plan sur un chasseur, il est là, il te parle carrément, tu te dis qu'est-ce qu'il va me dire. Il y a des moments dans l'interview, je sais pas pourquoi, d'un coup, on comprend plus rien à ce qu'il raconte. On va attraper les perdants. Titov, Dieudonné, Danny Boone ou Jerry Seinfeld, ce sont certains humoristes que Gad Elmaleh aurait plagié. Je dis aurait, au conditionnel, mais les deux vidéos le mettant en cause sur Copy Comic restent assez accablantes. Mais au fond, ça pourrait rester une histoire de plus de contrefaçons, d'artistes influencés, inspirés ou carrément copieurs. Une histoire de plagiat comme on en connaît plein dans la musique, la peinture, la mode ou la littérature. Alors pourquoi a-t-elle fait autant de bruit? Au-delà du plaisir coupable de surprendre quelqu'un en faute, que fait retentir une telle affaire? Eh bien, je vois deux raisons. La première, c'est que le plagiat jusqu'ici ne concernait pas l'humour. Comme les contes, les blagues, ça se dit, ça se transmet et peu importe le contenu. Ce qui compte, c'est surtout l'esprit et la manière de le faire. Là-dessus, Gad Elmaleh est irréprochable, il reste un interprète génial. À quel moment alors la reprise d'une blague devient-elle du plagiat? Qui détient l'autorité des blagues de Toto, par exemple? Plus qu'une question d'original, l'humour n'est-il pas plutôt une affaire d'originalité, c'est-à-dire de personnalité et d'interprétation? Ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que lorsqu'on s'érige en justicier, eh bien on ne se masque pas. Jusqu'à preuve du contraire, Robin des Bois, il n'agissait pas avec une cagoule. Ce qui me choque, ce qui me dégoûte, c'est la manière. Il y a des preuves, c'est pas moi qui les détiens, mais les personnes qui les détiennent sont des personnes en qui j'ai 150% confiance, qui, je pense, les dévoileront en temps et en heure. Si j'ai été manipulée, je serai la première à faire mon mea culpa. Alors vous venez d'entendre Sandra Sisley, c'était sur l'émission Quotidien. Sandra Sisley, c'est l'épouse de Tomer Sisley, premier comique accusé de plagiat. Elle a relancé l'affaire Copy Comic ce week-end en accusant à son tour deux humoristes, Kayron et Baptiste Le Caplin, d'être derrière Copy Comic et d'avancer masqué. De la même manière, Gad Elmaleh avait attaqué en justice Copy Comic pour la reproduction non autorisée de ses sketchs en vidéo. Et c'est bien la deuxième raison qui a fait retentir cette affaire et qui la rend intéressante, les accusé reproche à Copy Comic de rester anonyme, retournant l'insulte contre l'insultant, l'accusation contre l'accusateur et ce faisant déplaçant le problème de l'auteur. Pourquoi devrait-on prendre au sérieux quelqu'un qui accuse les autres de dissimulation quand il reste lui-même caché? Il y a évidemment une défense de la profession des, je dirais, des entre guillemets plus faibles, parce que, alors, hormis Seinfeld pour Gad Elmaleh, la plupart des humoristes qui sont cités sont pas forcément les plus connus. Donc, il y a une défense, en tout cas, de préserver finalement la création de ces personnes qui ont eu finalement une part d'originalité avant Gad Elmaleh ou avant les autres comiques dénoncés par le travail de mon client. Il fait lui-même partie de ce monde du stand-up des humoristes ou? Alors, je donnerai pas d'indice, mais il le connaît très bien. Face à ces retournements d'accusation, l'avocat de Copy Comic a dû en dire plus sur les intentions et l'identité de son client. Ce qui est ainsi frappant, c'est qu'on accuse à chaque fois les personnes de ne pas dire ce qu'ils sont et ce qu'ils font en vrai. Comme si on était forcément floué dès qu'il y avait un écart entre la parole et son auteur. Mais doit-on tout savoir de celui qui parle? Un acteur doit-il forcément être l'auteur de ce qu'il dit? Des sketchs sont-ils moins drôles quand on sait qu'ils sont repris? Et les accusations de Copy Comic sont-elles moins frappantes parce qu'on ne sait pas qui il est? Eh bien oui et non. Oui, les sketchs sont moins drôles et non, les accusations ne sont pas moins fortes. Car dans le premier cas, les uns ont agi comme s'ils en étaient les auteurs, alors que Copy Comic a d'emblée joué l'anonymat. Et surtout, ce dernier n'a jamais prétendu plaire pour ce qu'il était quand les autres ont voulu faire rire grâce à ce qu'il n'était pas. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Anaïs Isbert, Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur Pier Paolo Pasolini. Après le cinéma, la poésie, les écrits intimes, demain, eh bien, nous parlerons de ces textes plus politiques. On évoquera la critique de la société de consommation à laquelle il procède dans ses textes, ce sera Olivier Rey qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que les précédentes sur Pasolini hein, depuis lundi, c'est possible et c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça vous le savez, les chemins ont un compte officiel. Et désormais Instagram également, vous pouvez vous abonner au compte des chemins de la philosophie comme Alexandre Dang vient de le faire. Allez, on se retrouve demain à 10h et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.